Zot tu fais pitié, zot la prend la sens. N'est-ce pas trop pour gaspiller. À moi les miennes, les sans manger. Dans Zotier, Nina la pitié. Tout ça là, les vraiment malheureux. Passons aussi où la pointe. Il y aura toujours un problème. Et même si ou nana. Je l'ai ouvert, que ça peut baigner. Dis mon mamie respire, mais dis merci pour Dieu. Thank you.